chante les abeilles. Allez, Zanzan! Ah, c'est lundi de Pâques aujourd'hui. Bon week-end de Pâques, c'est lundi aujourd'hui. Allez, un petit mix d'une heure jusqu'à midi. Pour vous. Ouais, pour vous réveiller là, tranquillement. Ce soir, Macron, on va parler. Ça va être chaud, à mon avis, encore. Ça va, tout le monde est bien là? Ça va, les Zanzans? Putain, c'est bon ce matin. Hein. Salut! Ça va, les Zanzans? Ah, moi, c'est la playa. C'est. Tout le monde est prêt? Salut, Ophélie. Ça va, Francky? Ouais, ça va, ça va. Je fais question-réponse en même temps. Vous allez bien? Ouais, je vais à la plage après. Je vais à la playa. Ouais, un peu de playa ce matin, ça va faire du bien. Tout le monde est là. Bonjour Ophélie. Bonjour Mathieu. On va démarrer dans 3 minutes. Un peu de soleil. C'est bon, vous avez des lunettes de soleil, vous avez la perruque, vous avez tout. C'est partagé pour nous ambiancer. Ouais, on va démarrer avec les compagnies créoles, tiens, le bal masqué. Voilà, ça va vous chauffer, ça va un peu là. Salut Violaine, salut Chucré. Salut Seb, ça va la famille Zanzan? Tout le monde est là, are you ready? Stéphanie, ça va Stéphanie? Salut José. Salut Martial. Martial, il faudra que je t'appelle, tiens, pour ce qu'on a parlé, pour l'émission radio. Ouais, demain, j'aurai une chanteuse dans le live radio demain. Elle s'appelle Laetitia. Qui m'appelle? Allô? Allô, Attala, qui va là? Ouais, salut Didier, tu vas bien? Et toi, ça va? Ouais, ça va, je suis en mode playa aujourd'hui. Ouais, je vois ça, ouais, il te manque plus que la pelle et le saut. Je vais au Cap d'Agde. Ouais, je vois ça. Ouais, au Cap d'Agde, ils ont pas la même tenue hein, en général. Ah, ça dépend où. Elle est un peu plus légère. Ça dépend où, ça dépend dans quel endroit du Cap d'Agde. Ouais. Ça dépend. Bon, t'as été gâté au Pâques? Bah ouais, j'ai fait l'œuf comme d'habitude. Ah ouais, ça arrive, ça. Ouais. Bon, non, pas trop de chocolat, non. Ouais, moi non plus, je suis pas fan de chocolat, mais bon. Peut-être que vous. Ah si, j'aime bien le chocolat, mais bon, on est passé au travers. Sans plus, il y a beaucoup de zinzins qui se connectent. Ouais, bon, bah, on va les laisser venir. T'as fait une petite émission hier? Ouais, vite fait, ouais, j'avais envie, ouais. Ouais, bah ouais, je suis passé au travers, bon, c'est pas grave. Pas grave, j'étais. Ouais, bah, au dernier moment, comme ça m'a pris, hein. Oui, bah oui, ça prend comme ça. Ah, ça qu'est-ce arrive. Que je vais dire l'émission pour les routiers, c'est demain ou c'est mercredi? Mercredi. Alors, si tu connais 2-3 routiers, tu me les présentes. Tu m'appelles. Ouais, bah je vais essayer de t'en trouver quelques-uns, ouais. Je leur file quel numéro de téléphone pour qu'ils t'appellent. Le perso. Le perso? Ouais, le perso, ouais. Ouais, ok, ouais. Parce que celui-là, il est mis de côté, des fois je réponds pas, ou il est en silencieux, des fois. C'est pour ça. Ouais, ok, bah écoute, je vais en contacter un ou deux, ouais, j'en connais des routiers. Là. Ouais, moi aussi, mais. Les routiers sont sympas. Voilà, et demain, j'ai une chanteuse, voilà. Laetitia. Voilà, pardon? Demain, on fait une petite émission radio, elle s'appelle Laetitia, elle va nous présenter son nouvel EP. Salut Dominique Lepé. Ah, ok. Salut Dom. Yes, ok. Bah moi, tu vois, je m'occupe un petit peu, hein, comme t'as vu, je fais quelques petits montages des années 60-70, là. Faut s'occuper. Ouais. Salut Alain. Donc voilà, je vais faire plusieurs séquences là sur ma page. Ça va, Francky? Ouais, je salue les gens en même temps. Hein. Ouais, en mode. Ouais, vas-y. Fais comme chez toi, Francky, te gêne pas. Salut Dominique Le Guet. Ça va? Les chèques sont partis, Dominique. Salut Pacalou. Il y a du monde qui se connecte ce matin. Ils sont en forme ce matin. Je partage la séance vidéo. C'est gentil, merci. Ah, mais ils sont fériés aujourd'hui, ils travaillent pas. Ouais, je plaisante. Ok, Bakaï. Bon, je te fais des bisous, je vais démarrer. Ok, bah vas-y, on attend ça. Allez, à bientôt, bonne Pâques, ciao. Allez, bonne Pâques, mon ami. Et vous aussi, vous pouvez nous appeler comme Didier, le numéro, il est inscrit là, hein. Voilà, vous le connaissez par cœur maintenant. On va faire un coup de soleil, caliente, salut tout le monde, c'est parti jusqu'à midi. Allez, midi pour vous faire plaisir avec du soleil ou un peu de tout, je sais pas en fait, je vais voir. Voilà, les amis, je voulais vous dire qu'il y avait une cagnotte qui a été faite pour le set discothèque, alors à savoir que c'est pas moi qui l'ai créé, ce sont des clients du set. Voilà, c'est super gentil de leur part, je voulais les remercier. Voilà, moi je voulais pas le faire, j'ai expliqué pourquoi, parce que moi avec tout ce qui se passe, la pandémie en ce moment, voilà, tout le monde a besoin de quelque chose, mais c'est sympa que des clients aient pensé à nous. Voilà, ça va durer je crois 3 semaines, on ne peut pas récolter un petit peu, c'est bien hein. Voilà, en tout cas nous on fera aussi une cagnotte, je vous en parlais là pour les hôpitaux avec Pepelos, le rappeur orléanais, je vous en reparlerai très très vite. Voilà, Cécilia qui est là, il y a du monde aujourd'hui. Allez, c'est parti, salut Xavier. Salut Mecton, tu ressembles à Inis dans Magnum. Ouais, c'est vrai, ouais, Magnum, voilà. Merci. Salut Sébastien, ça fait plaisir. Belle ressemblance. En plus, il est mort le pauvre, merde. Oh putain, j'espère que j'ai pas y passer. Allez, c'est parti les Magnums. C'est parti la Zanzin Family, je voulais délirer ce matin et on démarre avec la compagnie créole et le bal masqué, histoire de vous ambiancer un peu. Jusqu'à midi, salut, c'est parti la Zanzin Family. Allez, réunion. On y va. Voilà, c'est le cocktail. Venez vous ambiancer. Ça va la famille? Alex, je pensais qu'on s'aillera mieux. Hein. Salut Monique, venez vous connecter, venez faire la fête avec nous. Mettez des lunettes de soleil ce matin et on y va. Et on veut des photos. Hein. Salut Popo, t'es sûr? Ça va les zinzins? Des lunettes de soleil, vous photographiez, vous l'envoyez, hein. C'est parti jusqu'à midi la fête. Ça va la famille? Salut les zinzins. Vous pouvez m'appeler aussi, hein. Allô Magnum, t'es où Magnum? Ressemble à Higgins, il a dit Xavier. Salut Xavier. Courage mon ami, hein. Ça va être long. Qui chante. On m'a dit que je ressemblais à Higgins dans Magnum. Est-ce que c'est vrai? Merci Xavier, mon poteau. Salut Xavier. Et là, vous pouvez m'appeler, réagir hein, sur l'émission. Salut la patinoire d'Orléans! Salut mon José, Cap 45! Je vais faire du bruit avec nous, on est en direct à la radio! Et c'est extravagant! Salut Ness! Ah mon Ness, mon McDo! Salut Séverine! C'est toute la famille des Zinzins qui est là! Allez partagez! Salut Autosur, Saint-Jean-de-la-Ruelle! Allez, jusqu'à midi. Du Brazil. Soyez courageux les restaurateurs, les bars et les discothèques, ça va être long. Pour nous, ça va être très long. Salut Patricia, salut Sabrina, salut Sabi. Allez, mettez vos lunettes de soleil. On veut de la photo ce matin. Hein. Je l'ai prêté à ma mère, le Vaporetto. Salut Patou. Salut Bubu. Salut Mégane. Du monde ce matin, bienvenue dans le live. Brazil? Ça va les Zaza? Allez! Here we go! Are you ready? Paris, London, Tokyo, Rio! Oh, Brazil! Go! We're gonna look more street smart come out here. Are you ready? Les restaurants, les boîtes et les bars, tout ça. Hein. Mais on est là, on est à la forme. La force est avec vous, mes amis. Je vous bénis encore. Salut José. I'm Allô Teddy, ça va mon Teddy? Ouais Teddy. Salut Didier, ça va? Je suis à Ibiza. Elle pouvait m'appeler, le numéro il est là. Je vous réponds direct avec mon smartphone. Salut Gerba. Degrés à Djerba pour nous foutre les boules. Tout ça va, il y a du soleil ce matin. Bienvenue à Orléans. Ça va Narcisse? Ouais, il fait beau en France. Salut la Roumanie. Et 24 degrés à Djerba, avec du vent. Allez, venez nous rejoindre dans le live. Partagez. Caliente, caliente. Bueno, que hola, cada, que hola, Omega, and this how we gonna do it. Dale. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. Salut, bébé. Salut l'île de la Réunion. Bob Virginie. Un chapeau, c'est un Bob. Salut Virginie. Salut Virginia. Virginie. One, two, three, four, one, two, three, monkey with a monkey. C'est un Bob. Salut Laurent. Ça va, Génio? Ponte a jugar. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Baby, you can get it. If you with it, we can play. Baby, I got cribs, I got condos, we can stay. Even got a king size mattress, we can lay. Baby, I don't care what they say. I know you want me, you know I want ya. Ça va, mes zinzins préférés, jusqu'à midi. Salut à Djerba, salut Sabi, salut Eugénio. Vous êtes nombreux ce matin. Salut Laurent Billard, salut Antoine Amos, salut Virginie. Direct. Popo il est là, Dine elle est là, Pascal il est là. Salut les Zinzins Family, j'espère que vous allez bien, on est en direct. Ah, c'est toutes mes années de boîte ça, Virginie. Hein. Eh ouais. Yeah. todos a bailar. Viens par la famille des Zanzas. Ta radio va faire du bruit. Sortez les lunettes de soleil, on y va. À l'ancienne, caliente. C'est le Club Med. Bienvenue à Gala Swinga. Ça va les Gala Swinga. Bienvenue à Gala Swinga. Allez, et bon souvenir soleil là. Salut Hélène, salut Émilie, salut Estelle. La classe, la chemise, hein. J'ai piqué un Magnum. J'ai piqué la chemise à Magnum. Faites du bruit pour la chemise à Magnum. Salut Anthony! Sortez-moi ces putains de lunettes! Allô? Je suis mort de la piscine avec des potes, viens nous rejoindre! Je suis le daron, viens! Je suis avec la famille Zanza! Ouais! Par toutes les langues, bienvenue sur le live. Allez les enfants. Allez Popo, allez Dom, allez mon Dom. Quel relais? Ouais, Bouybouen! Sur la vente là! Hey! 11h28, on dirait qu'il y a bien vu la famille. Sur la seconde de la manière, pour aller dormir dans l'âne. Yapa! Yapa! Sur la seconde de la manière, pour aller dormir dans l'âne. On y va? Hey, à toi! Allez! Je faisais les sketchs à la radio avant. Allez, Popo, danse! Allez, les souvenirs. Elvis Crespo sur les MNT Azul qui arrive. Salut Patricia. Ça va les Zazas? En direct, tu me rappelles? Salut Corinne! Allez, Jabba! Ouais! Ah, il fait super beau! Ouais, on est à New York! Ah, un temps de ouf! Ah, le tuto! Super beau! Eh, big up à la Roumanie qui nous regarde! Salut les Roumains! Oh, Roumania! Narcisse, Roumania! Et demain je vous parlerai d'un gros projet qui arrive en live, vous allez voir, ça va être du lourd. Salut José, salut Karl. Allo Charmeur. Putain, qu'est-ce qu'on l'a joué celui-là au Gardels? Qu'est-ce qu'on l'a joué celui-là au Gardels? A l'époque personne connaissait, hein. Elvis Crespo. Ça va la famille? Azul qui arrive. Azul, c'est un truc que je jouais au Gardels à l'époque, c'est énorme. Tout le monde le kiffait, c'est, vous allez voir. Pour les anciens du Gardels là. Allez la famille! Hey! l'époque au Gardel, c'est cool, c'était ça. Oh là là. Là il y a des connaisseurs. Luc Bonnard qui est là, ça va, on arrive. Allez Yves, bouge ton gros cul. Salut Aurélie. Hey Latina. Et vous pouvez m'appeler s'il y a un numéro. Vous m'appelez, je vous prends directement sur mon nouveau numéro. Il est là, écrit sur l'écran en bas. Et je vous prends direct avec ça là. J'ai piqué à ma mère, à Camille. Ah ça, ceux qui venaient en VIP à l'époque, ils s'en souviennent, hein. Salut Anthony, bah ouais, à l'époque du VIP ça. Salut Pierre, ça va mon ami? Ouais, file mon numéro à tout le monde. Allez Popo, y'a Yves Bedard qui est là, y'a Yves, fais-le bouger. Eres la niña que siempre busqué, azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti, azul rayo de luna serás para mí. Putain, qu'est-ce que je l'ai joué, c'est le regard d'Elsa. Qu'est-ce que je l'ai joué. Ça c'était le kiff, hein, de la soirée ça. Solo tu, azul es que este amor es azul como el mar. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Tú eres tan azul que me hago en el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión. Un mar en tierra. Oh, mais qui m'appelle? Allô? Allô? Rodolphe. Ouais, salut mon popo, comment tu vas bien? Ça va? Bah et toi, ouais. Heureux de t'avoir. Heureux de t'avoir au téléphone, mon ami. Ouais. Bon, ça va, pas trop dur le confinement pour le contrôle technique? Non. Non, ça se passe bien? Ouais. Ouais, tu voulais Allô, ouais. Tu voulais passer un message peut-être, Rodolphe? Ouais, je voulais passer un joli message, donc il faut penser à tout le monde, là, tous, là. Ouais. La cagnotte en ligne pour la survie du 7 et de Francky. Ouais, mais moi je voulais pas le faire à la base parce qu'il y a tellement de demandes. Mais bon, c'est sympa de ceux qui ont lancé l'initiative. Voilà, pour ceux qui veulent donner, ils donnent. Hein. C'est pas obligatoire. Hein. Voilà, y a pas de soucis, même 10 euros. Ouais. Donc pensez à Francky ouais. Et au 7 bah, pour tout la survie. Ouais, merci mon popo en tous les cas, ça fait plaisir. Bisous à tous, à très bientôt. Bye bye, ciao. Ciao la famille, hein, ça fait plaisir. Ouais, mais faut penser à vous aussi, hein, la famille. Merci mon popo, haute sûr. C'est Jean de la Ruelle. Yves Bodard qui est là, il va peut-être danser Yves Bodard, ça se trouve. Hein. Espoir 21, j'ai fait un truc pour Espoir 21. Ça y est, c'est fait Yves, hein. on a fait un don pour eux il y a 3-4 jours. Hein. 220 euros pour Espoir 21. Voilà, allez les anciens, pour ceux qui ont dansé la lambada, on y va la famille jusqu'à midi. Merci à vous d'être là, vous êtes nombreux, ça me fait plaisir. Salut Dimon Didier, salut Sab. Salut les anciens du Gardel, salut Marie-France. Ah. Je salue tous ceux qui bossent, les docs, les infirmiers, les FAD, etc. Les médecins, les aides-soignants, les soignants, etc. Les routiers, il y en a tellement à saluer en ce moment. On est avec vous la famille. Et appelez-moi si vous voulez passer un message perso, hein. Le numéro il est là. Voilà, comme Popo Rodolphe, photo sur Saint-Jean de la Ruelle, mon Popo. Vous êtes en retard sur le contrôle technique, c'est pas grave, vous avez encore un peu de temps. Hein. Et allez voir mon popo Rodolphe. Allez. J'ai plein de souvenirs là, jusqu'à midi. Putain, j'ai piqué la chemise à Magnum. Piqué le téléphone à ma mère, à Camille. Ça va, Séwen? Il y a l'apéro, Yves Bodard. Salut mon Yves, si tu veux m'appeler, Yves, ça me ferait plaisir, le numéro il arrive. Voilà. T'as juste à appeler, je te prends en direct. Allez, bougez pas, on y va la famille. Putain, c'était bon ça. C'était bon ça, mercredi, je fais une spéciale routier mercredi. Hein. Vous êtes routier, vous m'appelez mercredi, on fait des émissions radio mercredi. Allez les enfants! C'est la chemise à Magnum. Salut Nathalie. Ok Alex, pas de problème. J'invite tous les routiers mercredi à m'appeler, on fera un direct avec eux. Salut Virginie, salut Anthony, salut les déglingués. Allez la famille des enfants, on y va. Ça c'est pour Jabba. À l'ancienne. Salut la famille, jusqu'à midi. C'est bon ça. Que des souvenirs jusqu'à midi. Venez vous connecter là vite. Allez la Zaza Family, bonne Pâques à tous. Qui m'appelle? Allô, qui va là, je te prie? Ouais, tu as le fan de cœur, Catherine de Djerba. Ah, salut Catherine de Djerba, comment tu vas bien, mon ami? Ça va très bien avec toi tous les matins, on a la fête d'enfer. On est là. On move notre body. Eh ouais, t'as vu, une discothèque ambulante. Alors, j'adore. Ah, ouais, j'adore, c'est ma musique super extraordinaire, j'adore. Bon. Alors, on fait de la gym. Eh ben, fais de la gym. Tu vas bien? Ouais, ça va, j'ai été piquer la chemise à Magnum, tout va bien. Bon, ben je te fais des gros bisous et merci pour tout. Salut ma chérie. Bonjour à tous les voisins de Djerba, la Tunisie. Salut la Tunisie. Eh, hey, le meilleur des années 90 avec vous en direct. Salut Charlotte, salut Rose. Ça, ça a été le tube à l'époque, hein. Le tube. Rubber Rice et Children. Yalla, t'as arraché le téléphone. Salut Ness. Salut Virginie, salut Popo. Et à l'époque, on passait ça en boîte, on était un dieu, hein. on était un dieu. Hein. Ah ouais, 96, par là, ouais, Robert Mice. Ouais, on y va. Ça y est, tout le monde est prêt? Salut la famille des Zinzins, c'est parti. Ah, il y avait une putain d'intro celui-là, hein. C'était de la dream music à l'époque, ça s'appelait. Ouais, c'était ça. Ah, le tube à l'époque, hein, le tube. Tu passais ça, t'étais David Guetta à l'époque, hein. Année ça, 740 boys pour les anciens. C'est parti jusqu'à midi. Younes il a dit t'écoutes ça dans la bagnole, tu roules. Ouais mais là on peut pas rouler là. Ça c'est quand t'es déprimé ça. Salut Younes, la famille. Rappel de ça. gaffe aux gendarmes sur la route. Hein. Salut Marie-France, salut Rose, les meilleurs des souvenirs 2090, salut Charlotte, souvenir. On est bien la famille, il y a des enfants jusqu'à midi. Le meilleur des souvenirs. Les uns inconnectés là, à l'ancienne, David Vendetta. David Vendetta, la version au Gardels, énorme, super mec. FL65 pour Younes. Ah, pour terminer tout ça, ça va être bon là. FL65. Reconnu la prise, la reprise, bah ouais, actuellement. Toi tu quittes, toi tu pars. Oh. FL65, la version originale. Mec, je savais même pas que c'était une reprise actuelle, c'est sûr. Toi tu quittes, toi tu pars. Oh là là là là là là. Et bah voilà, c'est ça. I have a blue house with a blowing down. Allez, le meilleur des souvenirs. Souvenirs pour vous. On est bien là. Ça les zinzins, hein. Allez, 5 minutes ensemble. Allez vous faire bronzer au bord de la piscine. Salut, merci d'être là. Demain, je serai en direct avec une chanteuse qui s'appelle Laetitia. Vous allez voir, c'est énorme. Bon appétit à tous, et demain à 11h j'aurai une invitée au téléphone, une chanteuse, elle s'appelle Laetitia. Yeah. seem clear. It's a dance thing, you see me? Somebody just bounce up. Yeah. Let's go. Super mec, hein. Régalé. Super mec. Et on va se quitter reggae avec Pierre Paul Jack, tranquille. Et ça va vous dire au revoir. Salut Charlotte. Salut Marie-France. On va se faire un petit reggae derrière. Pierre Paul Jack. Ça te rappelle des bons moments. Gonna make you feel so good tonight, y'all. Gonna make you sweat tonight, y'all. We gonna make you wet tonight, y'all. We gonna make you feel alright. Zinzin, je vous retrouve demain à 11h, il y aura une invitée avec nous, elle s'appelle Laetitia, une chanteuse. Elle nous présente son nouvel EP à la radio. Donc ratez pas cette émission demain, ce beau live à 11h midi demain. Et là on se quitte avec un ancien, Pierre, Paul, Jacques, c'est pour les souvenirs et c'est pour vous là-haut pour se quitter. Salut Laurent! Salut la famille! Yeah mon frère! Demain 11h, Pierre Paul Jacques, salut Jarba. Ils disent Monsieur Peck, tu as une jolie voix, mais pourquoi ton tête est comme ça? Prends plutôt une gratte, laisse-toi pousser la mèche, et ta cote va monter en flèche. Oh, oh, oh, bla bla bla. Un bon souvenir radio avec Pierre Paul Jacques, un petit clin d'œil à lui là. Bla bla, moi je sais pas jouer, au kiosque du reggae. Je sais pas danser, je me casse sur du reggae. Je sais pas jouer, salut les enfants, au kiosque du reggae. On va rester chez vous. Je sais pas danser, je me casse sur du reggae. Salut les vavins. Bon, on y va, je vous quitte, je vous donne rendez-vous donc demain. La gueule que j'ai comme ça. À partir de 11h, ok. Il y aura une invitée radio, ça sera Laetitia. Vous allez voir, un nouvel EP pour elle. Un jeune artiste qui progresse. À demain la famille, merci de votre fidélité. Je vous aime très très fort. Et restez chez vous. Et putain, vivement qu'on sorte de cette merde. Hein. Salut la famille, je vous aime.